Chapitre 13. Des expériences si fréquentes et si singulières ne purent manquer à la longue de retentir jusqu'à l'âme et de l'agiter dans sa torpeur. Cette âme refusait encore de paraître, soigneusement enveloppée dans les profondeurs ténébreuses de sens obtus et aveugles. Elle opposait à la lumière portée tout à coup autour d'elle une résistance morne. Comme certains oiseaux ennemis du grand jour, elle s'enfonçait solitairement dans sa nuit. George Fritz essaya plus que jamais de l'y poursuivre et de l'y forcer. Nous ne suivrons pas en détail tous les progrès de cette lutte morale, dont les nuances insensibles et fugitives ne manqueraient pas de fatiguer le lecteur. Il nous suffira de dire que chaque jour apportait des signes appréciables de développement. La tête de Pulcheri était en travail. Depuis quelque temps, Mademoiselle de B., pendant ses séances magnétiques, agitait ses lèvres comme pour rompre son silence morne, idiot, éternel. Mais le son manquait à ses lèvres remuées. Mais certains liens invisibles semblaient retenir la parole esclave sur le bord de sa bouche impuissante. Elle souffrait ostensiblement de ce mutisme invincible qui la retenait dans les conditions mornes et inertes du végétal. En vain, Fritz essaya-t-il d'aider les efforts de son sujet et d'arracher violemment la parole à ses lèvres rebelles. Il ne le put. Les organes, jaloux de voir l'âme échapper à leur asservissement, semblaient vouloir la retenir sur les limites extrêmes de sa prison. Celle-ci s'agitait et s'indignait pour vaincre ce passage si bien gardé, mais en vain. Après d'inutiles efforts, elle retombait dans une langueur incurable qui désespérait Fritz lui-même. Si nous reportons encore une fois notre pensée sur la naissance du monde avec laquelle la naissance morale de Pulcheri nous semble avoir des analogies secrètes et mystérieuses, nous nous figurons volontiers un moment où les créatures animées n'ayant point encore paru sur la terre, il devait y avoir un grand et lamentable silence. Tout se taisait. L'intelligence universelle, qui vit partout et avant tout, existait. La parole ou le verbe existait également avec elle. Mais, retenue dans les liens inertes et indociles de la matière brute, la parole ne pouvait se dégager. Esclave, en quelque sorte, et latente, elle attendait pour sortir que des organes plus déliés lui prêtassent leur concours. Fatalement enveloppée dans les ligaments muets de la plante ou du minéral, elle aspirait à la bouche des animaux supérieurs pour prendre son essor et sa forme. La première voix qui se fit entendre dans le monde fut un événement immense et impossible à décrire. Cette voix fut le signe mystérieux de la délivrance de l'esprit, retenu jusque-là par des liens grossiers dans les régions basses et ténébreuses de la matière.